mercredi 9 février. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Dans cette édition, nous revenons en grande partie sur la mesure de levée des sanctions prises par l'Union européenne contre le Burundi en 2016. Du patron du ministère du ministre burundais ayant les affaires étrangères dans ses attributions à l'expertise en relations internationales, nous passerons par les réactions des politiques, de la société civile, ainsi que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. On vous fera vivre l'appréciation de cette mesure. La chronique N de ce mercredi est centrée sur les intérêts égocentriques. Ce sera avec le professeur Ezekiel Nyabenda, expert en conflits et développement. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. Rebonjour et bienvenue. Rebonjour. La mesure de levée des sanctions prises contre le Burundi par l'Union européenne est saluée par le gouvernement burundais dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Isanganiro ce mercredi. Le ministre en charge des affaires étrangères explique que cela résulte d'un dialogue entrepris avec les concernés avec cette levée. Le ministre Albert Shingiro estime que l'étape suivante est la coopération basée sur le développement socio-économique. On l'écoute au micro de Jean de Dieu Irakoze. Cette excellente décision arrive au lendemain d'une série de dialogues politiques avec les pays de l'Union européenne représentés ici à Bujumbura. Nous avons entamé ce dialogue d'une façon sincère, franche, depuis le mois de février l'année dernière. Ce dialogue a évolué, vous l'avez suivi. Certaines séances de dialogue, bien évidemment, étaient publiques, mais il y a d'autres séances de dialogue qui n'étaient pas rendues publiques pour des raisons stratégiques. Mais le dialogue a été permanent, continuel, dans un esprit de confiance et de respect mutuel. C'est un aboutissement heureux de ce dialogue qui a fait que l'Union européenne décide de lever les sanctions contre le Burundi. Nous nous en réjouissons et nous félicitons l'Union européenne d'être du bon côté de l'histoire en enlevant ces sanctions contre le Burundi. Maintenant que la paix et la sécurité sont revenus dans notre pays, nous allons nous atteler aux travaux de développement socio-économique du pays. Comme vous le savez, j'ai eu des orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour baser la diplomatie du Burundi sur le secteur économique. Nous avons 3 ou 4 piliers qui vont être priorisés. Ce sera notamment les échanges commerciaux entre le Burundi et les autres nations, mais aussi l'attrait des investissements étrangers pour la création d'emplois en faveur de nos jeunes ici au Burundi. Mais le troisième pilier, c'est le transfert des technologies. Nous devons trouver des technologies dans d'autres pays qui sont très avancés pour pouvoir maintenant installer au Burundi des petites unités de production dans différents domaines, notamment dans le domaine agricole. Je ne peux pas ne pas remercier, bien sûr, le président de la République qui a toujours été à mes côtés, à me prodiguer des conseils, mais aussi des orientations durant le dialogue avec les pays de l'Union européenne ici au Burundi. Et puis aussi, je dois remercier le personnel du ministère qui s'est aussi impliqué à tous les niveaux, mais surtout la population burundaise qui a été résiliente durant cette période de sanctions. La population est restée au travail et n'a pas été découragée. Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères. Et du côté de la société civile, l'organisation Force contre le népotisme et le favoritisme Folucon F apprécie positivement cette mesure prise par l'Union européenne. On écoute Gérard Hakizimana, représentant de cette organisation, qui constate que depuis 2020, le Burundi a repris la coopération avec l'extérieur. Dans notre organisation, Force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Folucon F, nous avons bien accueilli l'arrivée des sanctions contre le Burundi par l'Union européenne avec beaucoup de satisfaction parce que des partenaires historiques en matière de coopération doivent résoudre les problèmes qui surgissent à tout moment. Donc, nous sommes contents de la reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi. Depuis les élections de 2020, on constate que le Burundi est entré dans une nouvelle ère d'ouverture et de réchauffement des relations et de la reprise de la coopération. Donc, notre organisation Folucon F remercie vivement les institutions burundaise, particulièrement le président de la République, pour cette reprise de la coopération. Nous remercions également l'Union européenne qui s'est rendue compte que ces sanctions envers le Burundi étaient injustes. Et du côté des partis politiques, le parti Sehwanya Frodebou, via son président Pierre Claver Nahimana, apprécie cette mesure et fait savoir que cette décision de l'Union européenne de suspendre ses sanctions facilitera au Burundi d'avoir des devises en quantité suffisante dans le but de mettre en œuvre les projets de développement. Pierre Claver Nahimana demande au gouvernement burundais de continuer de respecter les droits de l'homme afin que les autres organisations internationales puissent lever les sanctions contre le Burundi. On l'écoute. Nous sommes réjouis, comme tous les Burundais qui aiment le Burundi, parce que enlevant ces sanctions, ça veut dire que le Burundi va pouvoir prétendre aux appuis budgétaires et aux appuis d'aide financière à ces institutions qui étaient de rigueur avant 2016. Alors, nous en profitons alors, au niveau de sa partie, Sehwanya Frodebou, de féliciter le gouvernement du Burundi qui a pu travailler de sorte que la situation concernant la gouvernance politique économique, le domaine des droits de l'homme, le domaine de la gestion publique, le domaine des élections, que tous ces domaines, on puisse voir des améliorations sensibles parce que l'Union européenne aussi dit qu'il s'est basé sur ces éléments-là qu'elle a observés au niveau des améliorations. Donc nous félicitons le gouvernement du Burundi d'avoir agi de façon qu'il y ait des améliorations sensibles qui permettent que l'Union européenne puisse intervenir. Alors, nous savons tous que les économies des pays à faible revenu comme le Burundi, dans des conditions normales, ces économies sont soutenues par des appuis budgétaires qui proviennent de ses partenaires financiers et économiques comme l'Union européenne, la Banque mondiale. Si l'Union européenne effectivement apporte des devises pour appuyer l'État du Burundi à travers différents projets, nous imaginons que la situation va s'améliorer davantage. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sehwanya Frodebou, 13h04, poursuivons cette édition. On reste sur ce dossier de levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi, des sanctions qui ont été prises en 2016. Pour la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, cela montre que la reconnaissance des efforts fournis dans la promotion des droits de l'homme au Burundi. Suivez Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH. Et c'est une appréciation positive parce que quand vous êtes en train de fournir vos efforts pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et que à l'interne les Burundais sont satisfaits des efforts fournis et que même à l'étranger, à l'extérieur du pays, on commence à reconnaître, c'est pas commencé, ils ont déjà commencé les autres, peut-être c'est l'Union européenne qui restait. Si on atteste ou qu'on voit les efforts fournis et aussi les étapes déjà franchies en termes de promotion et de protection des droits de l'homme, donc ça nous encourage à fournir pour plus d'efforts pour non seulement rentabiliser les activités que nous menons, mais aussi inciter tous les Burundais et toutes les personnes vivant au Burundi à contribuer de leur mieux pour qu'on puisse faire avancer les droits de l'homme dans le pays. Néanmoins, Human Rights Watch ne voit pas de la même façon le lèvement des sanctions prises contre le pays que les Burundais. Et nous sommes en démocratie et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Et donc, je ne veux pas m'en vouloir parce que l'un ou l'autre a une avis contraire à la mienne, mais je pense que les faits sont têtus. Donc, si des actions et des activités concrètes ont été menées dans le pays, si des avancées significatives en termes de droits de l'homme ont été observées, vous ne pouvez pas les cacher. Donc, c'est comme la lumière, donc c'est visible n'importe où, dans n'importe quelle direction que vous vous positionnez. Parce que l'essentiel, c'est qu'on commence à reconnaître que s'il y a des avancées positives, il faut qu'on le dise. Et s'il y a quelque chose de négatif, il faut aussi qu'on le dise. Donc, pour moi, j'invite tout un chacun à contribuer pour que le travail de promotion et de protection des droits de l'homme soit rentabilisé du jour au jour pour que d'ici demain nous soyons même l'exemple d'autres pays. Et en tant que président de la commission chargée des droits de l'homme ici au pays, pour pérenniser cette image et cet espoir entre l'Union européenne et le Burundi, que faudra-t-il faire? Et je pense qu'il faut continuer les efforts déjà en cours. Vous savez que nous, à la Commission, nous avons un plan annuel. Nous avons aussi un plan quinquennal 2021-2025. Nous devons continuer les activités qui ont été prévues, mais aussi continuer avec la collaboration avec les autres partenaires pour que les droits de l'homme soient pleinement respectés au Burundi. Vous savez que c'est un travail de tous les jours, donc on ne peut pas dire qu'on a atteint le sommet. Docteur Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH, y répondait aux questions de notre consoeur Vestine Wouto. Et avant de suivre l'expertise en relations internationales, Moïse Misago revient dans cette édition sur le contenu de l'article 96 de l'accord de Cotonou. La coopération entre Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne vise un développement durable centré sur la personne humaine et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme selon l'alinéa 1 de l'article 9. Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'état de droit et une gestion transparente selon le même article. L'article 8 stipule que les parties mènent de façon régulière un dialogue politique global équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels. L'article 96 alinéa 1 précise que si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit visé à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérée les plus appropriées en vue de trouver une solution. Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent, lit-on toujours sur l'article 96. Moïse Misago, et selon le professeur en relations internationales Guillaume Ndeikengurukiye, la levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi permettra de bénéficier d'un appui financier direct comme avant 2016. On l'écoute au micro de Raissa Liliane Inamahoro. Depuis 2015, ces sanctions sont là, mais en réalité, est-ce que ces sanctions ont été efficaces? Ça, c'est la première question que je me dis que c'est l'une des questions que l'Union européenne s'est posée. À côté de cela, il y a ce fait que les grandes puissances, la Russie et la Chine d'abord, n'ont jamais lâché le Burundi depuis 2015. Après, il y a eu les États-Unis qui ont levé récemment les sanctions à l'égard du Burundi. Est-ce que l'Union européenne pouvait rester isolée? C'est aussi une question de positionnement régional au niveau de la région, parce que notre région, certes, il y a des pays, nous sommes des pays qui sont en voie de développement, mais ce reste une région stratégique pour ces grandes puissances. Donc, logiquement, après la levée de ces sanctions, cette aide budgétaire va revenir. C'est-à-dire, quelque part, les finances de notre pays vont avoir une certaine bouffée d'oxygène, parce qu'il y a tellement de secteurs qui ont tant souffert de ces sanctions. Mais je pense que quand c'est le gouvernement qui canalise une aide financière, c'est toujours plus avantageux. Même s'il y a des sanctions qui ont été levées contre le Burundi, ça n'apparaît pas si les sanctions ciblées ont été également levées. Y aurait-il d'autres significations par rapport à ça? Il y a des étapes qui restent à franchir, devrais-je dire. Ces sanctions ciblées, peut-être que ce sera la prochaine étape. Sinon, si elles ne sont pas effectivement levées, on ne pourra pas parler d'une normalisation effective des rapports entre le Burundi et l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne, d'un côté, il y a l'Union européenne, à mon avis, qui doit élever son niveau de compréhension du contexte burundais, son niveau de compréhension des réalités politiques, économiques, sociales du Burundi. Mais de l'autre côté, au niveau du Burundi, je pense qu'il doit y avoir des efforts aussi de comprendre et d'intégrer cette donne qu'aujourd'hui, il y a certaines valeurs universellement reconnues dont il ne faut pas se passer. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Suspension des voyages sur mercredi par les agences de transport de Changuzo à Bujumbura. Cet arrêt de travail est arrivé consécutivement à la sortie de la décision, d'une décision du bureau provincial de Changuzo d'imposer à ces agences l'ancienne tarification du ticket de voyage. Et au bureau de ces agences à Changuzo, on annonce que l'ordre d'arrêter à ces voyages est venu de Bujumbura. Même si les voyageurs saluent cette mesure de l'administration provinciale à Changuzo, d'autres disaient un autre correspondant, Raymond Moudende, qu'ils ont raté leur voyage suite au manque de véhicules. Poursuivons cette édition. Les modalités de paiement dans la banque des jeunes Biges sont encore floues. À titre d'exemple, la mesure à prendre en cas de faillite de la coopérative n'est pas encore connue, explique Élisée Ndeïsaba, expert en octroi à crédit, qui déclare que la banque des jeunes Biges devrait procéder au déblocage en tranche des crédits et faire le suivi régulier. Le point avec Oda Ndeïchimi. Parmi les 5000 jeunes ayant déjà reçu le crédit de la Banque des Jeunes Biges se trouve Levin Hamakiriro, président de la coopérative Mushingewi Terambere en commune Ndava, province de Mwaro. Ils vont payer une somme de 292 000 francs par mois et la banque ne leur a pas demandé de garantie. L'intérêt est de 7% et de 10% en cas de retard sur le délai de paiement, alors que le taux d'intérêt peut aller jusqu'à 18% dans d'autres banques. Ce crédit est solidaire pour tous les membres de la coopérative, mais en cas de faillite, il n'est pas encore précisé la mesure qui sera prise, vu que l'État constitue l'avaliseur. Contacté, le directeur général de Bige n'a pas pu être disponible. L'expert en octroi du crédit, Élisée Ndeïsaba, annonce les modalités d'octroi du crédit dans les autres banques. La banque doit entrer en profondeur en analysant ce projet pour voir si le projet va générer des flux financiers nécessaires, ou on appelle ça des cash flows nécessaires pour rembourser le crédit. Donc la rentabilité du projet. Donc, quand je dis rentabilité, ça englobe beaucoup de choses, mais la banque doit s'assurer que la rentabilité du projet va permettre de rembourser le crédit et doit permettre également le développement du promoteur du projet. Pour que les coopératives ne tombent pas en faillite, ce qui peut entraîner plusieurs conséquences, l'expert dit que la Bige devrait procéder à un déblocage des crédits en tranches et faire un suivi régulier. Bige doit faire un suivi régulier auprès de ces jeunes demandeurs de crédit, notamment le déblocage en tranches. Pour les jeunes, il y a la perte de la confiance de la part des partenaires ou des investisseurs. Autre chose pour l'État, c'est que en cas donc d'échec de rembourser le crédit demandé, il y a le projet, il y a l'objectif de l'État qui ne sera pas atteint. Pour la Bige, il y aura la perte d'emploi. La Banque des Jeunes Bige a déjà donné jusqu'à présent à différentes coopératives du pays une somme équivalente à 1 milliard et 100 millions. Parle, rassure-moi. Un adversaire politique est souvent considéré comme un ennemi suite au conflit d'intérêts et d'égocentrisme. L'expert en conflit et développement, professeur Ezekiel Nyabenda, explique qu'il devrait plutôt comprendre qu'ils cherchent tous l'intérêt public, mais d'une façon différente, et cela limiterait la prolifération des messages haineux. Le rôle est de tout un chacun, surtout les personnes influentes, à faire comprendre aux politiciens et à la population à travers les sensibilisations qu'un adversaire politique n'est pas un ennemi. La chronique haine de ce mercredi avec Ornella Mucho. L'adversaire politique est une personne avec qui vous êtes sur le même terrain, avec différents objectifs. Professeur Ezekiel Nyabenda, expert en résolution des conflits et développement, précise que les adversaires sont opposés sur le plan des actions, mais tous visent à remporter l'avantage et l'intérêt commun, ce qui ne signifie pas être ennemi. Un adversaire politique, c'est un homme ou une personne avec qui vous êtes sur le même terrain, vous partagez les mêmes intérêts, mais dans des directions différentes. C'est-à-dire que vous vous trouvez sur le même champ, à la recherche des mêmes ressources. Donc, c'est que comme vous êtes en compétition sur des ressources limitées. Donc, il devient un adversaire comme en sport. C'est comme si vous étiez sur la ligne de départ, vous êtes tous des adversaires, mais pas nécessairement des ennemis. Vous êtes des collègues. L'adversaire politique est souvent considéré comme ennemi pour des raisons d'égocentrisme. Ça commence à l'appropriation de la personne qui s'engage dans la considération de l'autre comme un ennemi. En fait, il y a des ressources humaines qui sont recherchées par les deux côtés et l'autre veut s'en approprier. Alors que ces gens-là qui constituent des ressources humaines pour les deux adversaires sont limités. Pour juste tenter de bloquer l'autre, on l'appelle ennemi. On confond l'adversaire à l'ennemi dans cette logique. C'est-à-dire qu'on est en train de combattre pour s'en approprier seul. Les sociétés civiles ont le rôle majeur à faire comprendre à travers les sensibilisations qu'un adversaire politique n'est pas un ennemi, plutôt un partenaire du débat. C'est le rôle de tout un chacun. Parce que nous autres, comme êtres humains, nous devons d'abord comprendre que nous sommes différents et que nous avons des intérêts différenciés et que tout cela constitue la richesse. Donc, qui va enseigner l'autre? C'est nous-mêmes, chacun. L'Église parle toujours de l'amour du prochain. Les politiques, si aussi, s'engagent dans le discours de pacification, mais quelquefois, ils sont limités. Normalement, c'est la société civile qui devrait jouer le rôle de médiateur entre les différents partis. C'est le rôle de la société civile et c'est le rôle des leaders, normalement des leaders politiques qui devraient rassembler le peuple, la population, les frères, les sœurs, en une famille. Les différents experts en résolution des conflits soulignent que différentes tensions observées dans différents pays, surtout en Afrique, résultent des conflits d'intérêts. Point final à cette édition à 13h17 dans nos studios. Merci de l'avoir suivi.